بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله كم له علينا من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكرمنا سبحانه وتعالى بأن عشنا هذه الليلة الأولى من ليالي المباركات من العشر الأواخر من رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من فضله. لونج الله سبحانه وتعالى combien sont énormes et nombreuses les bienfaits avec lesquels سبحانه وتعالى il nous a comblés. Et comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, si vous allez pour comptabiliser les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas le faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés, il nous a octroyé la vie, nous voilà vivre la première nuit de la dernière décade de ce noble mois de Ramadan 1443. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter ses bienfaits. الله عز وجل اختص هذا الشهر المبارك من بين شهور السنة، اختصه بالفضل والتقديم، واختص من رمضان هذه العشر الأواخر، اختصها بالشرف وبالفضل الكبير وبالتعظيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من ليالي رمضان. Offrons Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a particularisé et a donné des spécificités à ce noble mois de Ramadan par rapport aux autres mois de l'année. Ce mois qui a beaucoup de mérite, qui est le seul mois dont le nom a été mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a donné une spécificité particulière à la dernière décade de ce noble mois de Ramadan. Ces dernières décades du mois de Ramadan, il a une grande importance. Et ce sont des nuits majestueuses, avec plein de mérites. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup d'efforts durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, plus qu'il ne le faisait au début du mois de Ramadan. Fa'an Aisha radiyallahu anha qalat, kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam إذا دخل العشر أحيى الليل وإيقظ أهله وشد المئزر. والحديث متفق عليه. Notre mère Aïcha, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, a dit que le prophète d'Allah faisait plus d'efforts dans l'adoration durant la dernière décade de Ramadan que durant les autres jours de ce mois. Il disait, radiyallahu anha wa ardaha, le messager d'Allah faisait plus d'efforts. Il disait, radiyallahu anha wa ardaha, le messager d'Allah serrait son panne. Il faisait beaucoup d'efforts. Il réveillait les siens. Il réveillait ses femmes. Pourquoi? Pour profiter des mérites de ces derniers jours du mois de Ramadan. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Dans une autre version de l'imam Muslim, disait رضي الله عنه وارضاه, le messager d'Allah faisait plus d'efforts dans la dernière décade de Ramadan que durant les autres jours. فالرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا سننا في هذه العشر المباركات. الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. وهذا الحديث الذي مر معنا دليل على أن للعشر الأواخر من رمضان مزية على غيرها بمزيد الطاعة والعبادة من صلاة وذكر وتلاوة للقرآن وغيرها من العبادات. Donc notre message عليه الصلاة والسلام nous a fait des sunan, une voie à suivre. Il faisait beaucoup d'efforts durant cette dernière décade du mois de Ramadan. Et les hadiths qui viennent de passer avec nous sont une preuve comme quoi cette dernière décade du mois de Ramadan a une particularité au niveau de l'augmentation de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'augmenter ses adorations, d'augmenter les prières, d'augmenter l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran et autres parmi les formes d'adoration. Ce sont des nuits qui ont une spécificité, qui se concrétise par un plus d'effort dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. وقد وصفت أمنا رضي الله عنها وارضاها عائشة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصفت نبينا صلى الله عليه وسلم بأربع صفات. الأولى قوله أحيا الليل، كان إذا دخل العشر أحيا الليل، أي سهره فأحياه بالطاعة، وأحيا ها لأن النوم أخو الموت، والمعنى أحيا الليل بالقيام والتعبد لله رب العالمين. دونك نوتخ ميغ عائشة رضي الله عنها دون الحديث كي فيان دو باسي إن نوزا ديكري لو ميساج ديال الله عز وجل افيك كاتر كاليتي كاتر ديسكريبسيون. لا بروميير c'est qu'il accomplissait des veillées pieuses. Il veillait la nuit durant ce mois, ces derniers mois de Ramadan. Quand arrivent ces derniers mois, ces dernières décennies du mois de Ramadan, ben il veillait des veillées pieuses. C'est-à-dire, il passe la nuit dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, il dormait peu. Et le sommeil, c'est le frère de la mort. C'est pour ça qu'il y a ce terme en arabe « ahya al-layl ». Il fait vivre la nuit. Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire « ahya al-layl » ? Il l'accomplit, il accomplissait des actes d'adoration pour le souverain subhanahu wa ta'ala. « Wal murad bi ahya al-layl »« ahya ghalib al-layl »« Ya'ni yanam qalilan »« Laysa ka baqiyati al-ayyam » Et ce qui veut dire par « il veillait les nuits », ça veut dire « il veillait la majorité » ou la, une grande partie de la nuit, il dormait peu par rapport aux autres jours. C'est-à-dire durant ces nuits, les dernières décennies, il dormait peu par rapport aux autres jours. « Wa hadha yu'ayyiduhu qawlu Aisha radiyallahu anha wa ardaha fima akhraj al-imamu muslim » ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح. Et ceci est renforcé par la parole de Aïcha رضي الله عنها وارضاها dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. Où notre mère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, a dit: je n'ai pas vu le messager d'Allah veiller toute une nuit jusqu'au matin. والصفة الثانية من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قولها وأيقظ أهله، أي أيقظ زوجته، زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ليشاركنه اغتنام هذا الخير والذكر والعبادة في هذه الأوقات المباركات. La deuxième caractéristique ou la deuxième description dans le hadith كفي عائشة رضي الله عنها وارضاها لدي il réveille ses femmes, il réveille les siens, dire ses nobles épouses qui sont les mères des croyants qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. الرسول صلى الله عليه وسلم les réveillait pour qu'ils s'associent avec lui dans le fait de prendre ce bon butin et ce noble butin, hein, pour que il s'associe à lui dans les bonnes œuvres, dans l'invocation d'Allah, dans l'adoration, hein, durant ces nobles heures et ces nobles moments. والصفة الثالثة قوله قولها رضي الله عنها وجد أي اجتهد في العبادة زيادة على عبادته في العشرين الأولين من شهر رمضان وذلك لأن في العشر الأواخر ليلة القدر. La troisième description qu'il a faite du messager alayhi salam, il a dit, il fait beaucoup plus d'efforts. Il fait beaucoup plus d'efforts dans l'adoration, plus qu'il ne faisait durant les deux premières décades du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que dans la dernière décade, il y a la nuit du destin. والصفة الرابعة في هذا الحديث قولها رضي الله عنها وشد المئزر أي جد واجتهد في العبادة وقيل اعتزل النساء وهذا أظهر لعطفه على ما قبله وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر والمعتكف ممنوع من النساء إذن la quatrième description qu'il en a faite, radiyallahu anhu wa ardaha, c'est washad al-mi'zar. Il serre son pan, ou il serre la ceinture. Hein? Dire, il fait plus d'efforts dans l'adoration. Mais on a dit aussi qu'il n'a plus de rapport avec ses femmes. Et c'est le plus apparent dans le texte. Parce que il est annexé à ce qui le précède. Et en plus de ça, le messager d'Allah, Azza wa Jal, faisait les retraites pieuses, les itikaf, diront les dernières, décades du mois de Ramadan. Et celui qui est en retraite spirituelle, il lui est interdit d'avoir des rapports avec ses femmes. فهذه العشر الأواخر من رمضان هي ختام الشهر والأعمال بخواتيمها ولعل الإنسان يدرك ليلة القدر وهو قائم لرب العالمين فيغفر له ما تقدم من ذنبه يغفر له ما تقدم من ذنبه من الصغائر لأن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة. Et donc ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, ce sont la fin et la conclusion du mois de Ramadan. Et les actes valent avec leur bonne fin. Les actes valent avec leur bonne fin. Hein? Sur quoi la personne termine sa vie, dans le bien ou dans le mal. Et aussi, diront ces dernières décades du mois de Ramadan, il y a espoir que la personne ait les mérites de la nuit du destin en accomplissant ces nuits dans l'adoration au souverain des mondes, subhanahu wa ta'ala, et dans ces cas-là, ces péchés vont être pardonnés. Qu'est-ce qui va être pardonné ici? Ce sont les petits péchés. Car les grands péchés et les péchés capitaux ont besoin d'un repentir spécifique. ومن هنا يتبين أن على المسلم أن يزيد من عباداته إذ أخذ شهره في النقص وأن يتحلى بالصبر على الطاعة وعلى الأعمال والأعمال الصالحة والأعمال بخواتيمها فعلى المسلم أن يجتهد في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان وأن يقوم بالسنن والطاعات ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. Et donc, il incombe aux musulmans et à celui qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter ses adorations durant ces dernières décades, cette dernière décade du mois de Ramadan, parce que le mois commence à diminuer, il va bientôt se terminer. Il doit s'armer de patience pour l'obéissance à Allah, Azza wa Jal, et pour accomplir les bonnes œuvres. Et la fin des œuvres, c'est le meilleur. Les œuvres, les actes ne valent que par leur fin. Il faut que la fin soit mieux que le début. Donc, il incombe aux musulmans, et aux soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, durant ces dernières décades du mois de Ramadan, d'accomplir les sunan qu'il doit accomplir, et les obéissances qu'il doit accomplir, qui nous ont été rapportées du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum salam. Et il doit prendre comme exemple son prophète, alayhi salatu salam. Car quand arrive la dernière décade du mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wasalam veillait ses nuits. Et il réveillait sa famille pour qu'il fasse de même. Et il fait plus d'efforts. Il serre la ceinture, comme il a dit notre mère Aïcha dans les hadiths passés. Si on se pose la question, comment veiller la dernière décade du mois de Ramadan dans l'obéissance? كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم في هذه العشر يقومون بسنن وطاعات شتى. Notre message عليه الصلاة والسلام ainsi que ses nobles compagnons رضوان الله عليهم durant cette dernière décade du mois de Ramadan accomplissaient beaucoup de sunan et beaucoup d'obéissances, des sunan, des adorations qui sont diversifiées. ومن السنن والطاعات في العشر الأواخر وغيرها في شهر رمضان قراءة القرآن ومدارسته لأن هذا الشهر المبارك هو الذي أنزل فيه القرآن والله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذن parmi les nobles sunan et les nobles obéissances avec lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ces dernières décades du mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan, la lecture du Coran et l'étude du Coran et se penser sur l'explication du Coran. Car ce noble mois, c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé. Allah Azza wa Jal, comme dans les versets du jeûne, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens et comme éclaircissement sur les orientations et la guidée et comme discernement pour discerner entre le vrai et le faux, le bien et le mal. فشهر رمضان أنزل فيه القرآن فينبغي للمسلم أن يعتني بالقرآن طوال أيامه ويتأكد الاهتمام وتتأكد العناية بالقرآن في شهر رمضان في هذه العشر الأواخر منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها فمن السنن والطاعات قراءة القرآن ومدارسته وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويعرضه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان كما روى ابن عباس رضي الله عنهما والحديث متفق عليه. Donc, ce noble mois de Ramadan, durant lequel est descendu le Coran, il incombe aux musulmans de s'occuper du Coran durant tout le mois de Ramadan et durant toute sa vie. Et pendant le mois de Ramadan, encore plus. Et ceci se reconfirme encore plus de donner une grande importance au Coran durant ces dernières décades du mois de Ramadan. Car le prophète alayhi salatu wasalam faisait beaucoup d'efforts durant ces dernières décades du mois de Ramadan, des efforts qu'il ne faisait pas en dehors de ces dernières décades. Donc fait partie des obéissances et des sunnans que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a instaurés, la lecture du Coran, l'étude du Coran, Jibril alayhi salatu wassalam venait et récitait le Coran à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui récitait le Coran, comme ceci est relaté dans beaucoup de hadiths qui sont rapportés par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas et autres. Wa kadhalika min at-ta'at fi al-'ashr al-awakhir التهجد وقيام الليل وإحياء الليل بالصلاة وبالتزام الدعاء عند غفلة الناس فإن أفضل العبادات عند الغفلات كما هو معلوم وقد تقدم قبل ذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه et aussi parmi les obéissances Parmi les sunan durant ces... Parmi les sunan durant cette dernière décade du mois de Ramadan, et ceci se confirme encore plus derrière cette dernière décade du mois de Ramadan, c'est le tahajjud, le fait de faire des prières à la fin de la nuit. Ah, et aussi les prières nocturnes qu'on fait dans nos mosquées avec nos imams. Et c'est le fait de vivre la nuit dans la prière. Et aussi de faire beaucoup de dua. Et les dua, au moment où les gens sont inattentifs, sont en train de ronfler, sont très importants. Et toute forme d'adoration a des mérites plus au moment où les gens sont insouciants, sont inattentifs. Au moment de l'inattentivité des gens et de l'insouciance des gens, les adorations ont encore plus de mérite. Et vous avez passé avec nous durant ces assises la parole du messager alayhi salam qui a dit: celui qui accomplit, c'est-à-dire qui accomplit les prières nocturnes durant le mois de Ramadan, par foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et voulant la face d'Allah et les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés qui sont passés lui seront pardonnés. Et toujours, ici il s'agit du petit péché. Les grands péchés ont besoin d'un pardon particulier, d'une expiation particulière et spécifique. كذلك من السنن والطاعات والعبادات في رمضان وتتأكد في هذه العشر الأواخر من رمضان الجود والصدقات والزكوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد جودا في رمضان et parmi les sunan qu'a instauré le messager عليه الصلاة والسلام et les obéissances durant ce mois de Ramadan, il se confirme encore plus durant ce temps méritoire de cette dernière décade du mois de Ramadan, c'est la générosité, la charité, la zakat et ainsi de suite. Car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Il l'était tout le temps, mais durant le mois de Ramadan, il l'était encore plus. Fa'an ibn Abbas radiyallahu anhuma قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة Le hadith d'Abdullah ibn Abbas nous dit comment il était le prophète alayhi salam dans sa générosité sallallahu alayhi wa sallam. Il dit radiyallahu anhuma que le messager d'Allah était le plus généreux des hommes, le plus généreux des hommes en prodiguant le bien, et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan quand Jibril vient le rencontrer. Et Jibril, quand il vient rencontrer le messager d'Allah chaque nuit du mois de Ramadan, il lui fait étudier le Coran. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril vient à sa rencontre, il se montrait plus particulièrement, plus généreux en Ramadan, au cours duquel il rencontrait chaque nuit Jibril, encore plus généreux. Quand il rencontrait Jibril, qui lui faisait répéter le Coran, et lors des rencontres avec Jibril, il était plus prompt que le vent envoyé avec le bien. Il était plus prompt que le vent envoyé avec le bien. Parce que les vents, ils se déplacent par ordre min Allah Azza wa Jal. Il contient le bien comme, selon ce que veut Allah, comme il contient le mal. Et parmi les biens qu'il y a dans le vent, la pluie, pour faire revivre la terre. Il y a aussi la pollinisation des arbres, plein de choses qui sont combien dures pendant les vents. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il rencontre Jibril durant ce mois de Ramadan, il est encore plus généreux, et encore plus généreux. que le vent qui vient avec des bénéfices. وأصناف الجود والصدقات كثيرة في رمضان وفي غيره لكن تتأكد في هذا الشهر المبارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان فيكثر جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم في رمضان Les catégories de générosité et de charité sont nombreuses durant ce mois de Ramadan. Hein? Et aussi en dehors du mois de Ramadan. Mais il se confirme encore plus durant ce mois de Ramadan, car le messager d'Allah était le plus généreux des hommes, hein, prodiguant le bien, durant ce mois de Ramadan. Hein? Et alayhi salatu salam, sa générosité augmente durant ce mois de Ramadan. Min asnafil juhud, it'amu ta'am. وتفطير الصائمين والتصدق بالأموال وقضاء حوائج المسلمين وإغاثة الملهوفين ونشر العلم وتعليم الناس والإنفاق على طلبة العلم وقضاء دين الغارمين وغيرها من أبواب الجود والبر والصدقة إذنك parmi les catégories de générosité le fait de nourrir la nourriture autour de nous, nécessiteux et autres. Le fait aussi de donner, d'inviter des jeûneurs à rompre le jeûne, ou de leur donner de quoi rompre le jeûne. Hein? Le fait aussi de donner l'aumône, de donner de l'argent, de sortir de son argent pour donner aux pauvres et aux nécessiteux. Le fait aussi de combler le besoin des musulmans, dans n'importe quel niveau. Hein? Le fait aussi de secourir les démunis. Le fait de propager la science. Le fait d'enseigner aux gens leur religion. Le fait de dépenser sur les demandeurs de science. Le fait aussi de s'acquitter du crédit de ceux qui sont endettés à leur place. Hein? De s'acquitter à leur place du crédit qu'ils ont. Et d'autres formes de générosité et de bien hein, qui font partie de la charité, de l'aumône, etc. وفي هذا العام بسبب هذه الأزمة التي قدر الله سبحانه وتعالى على الناس بسبب هذه الحروب تتأكد إعانة المحتاجين وخاصة في هذا الشهر الذي ارتفعت فيه الأسعار في كثير من البلدان فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والغلاء والجفاف. Et en cette année, nous devons augmenter notre générosité, surtout que c'est une année dans laquelle il y a une certaine crise qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans le monde à cause de cette guerre en Asie. Donc ici encore, se confirme encore plus le fait d'aider les nécessiteux, le pauvre, et en son noble mois, de les aider encore en son noble mois, parce que les prix ont grimpé. Les prix ont grimpé. Les prix des denrées alimentaires, les prix des denrées alimentaires et toute autre chose. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala hein, de dissiper cette pandémie et de dissiper ces hausses de prix et la sécheresse que subissent beaucoup de pays musulmans. Et il est le seul qui peut nous sortir de ces impasses et de nous secourir, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, dans certains pays en Afrique du Nord, le bidon d'huile, là, l'huile de, avec laquelle on fait la cuisson. On ne parle pas de l'huile d'olive, l'autre. Il est arrivé alors qu'auparavant, son prix tournait entre 80 dirhams, 69 dirhams, c'est-à-dire 7 euros, jusqu'à 8 euros, pour certaines qualités jusqu'à 10 euros, hein, pour les 5 litres. Ben, il a augmenté. jusqu'à 15 euros, 16 euros. Vous voyez un petit peu le prix que ça fait. Donc j'imaginais un petit peu ceux qui sont dans la nécessité. Fansallah subhanahu wa ta'ala an yamunna alayna min fadlihi. يقول عبد الله بن مسعود وكذلك من السنن والطاعات في رمضان وخاصة في العشر الأواخر منه العمرة في رمضان. Et parmi les bienfaits aussi, les bonnes adorations durant ce noble mois et les bonnes obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'accomplir la umrah durant le mois de Ramadan. Et surtout, si la personne arrive à l'accomplir durant cette dernière décade du mois de Ramadan. Abdullah ibn Abbas, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, il dit, « Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'imra'atin min al-ansar, ma mana'aki an tahujji ma'ana, qalat lam yakun lana illa nadihan, ma kana indana illa ba'iran li hamli al-ma', taqul fahajja abu waladiha wa ibnuha ala nadih. وترك لنا ناضحا ننضح به ننضح عليه كأنها تقول لا لم أستطع يا رسول الله أن أذهب إلى الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة والحديث متفق عليه فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العمرة في رمضان والعمرة مستحبة في جميع العام لكن تتأكد في شهر رمضان لمزيتها وخاصة في هذه العشر الأواخر منه إذا استطاع المسلم ذلك فهذه كذلك من الطاعات ومن السنن في هذا الشهر المبارك وفي الأواخر منه والحمد لله الذي من على المسلمين هذه السنة بالدخول إلى الديار المقدسة بعد أن حرم كثير من المسلمين منها بسبب جائحة كورونا فالحمد لله من بعد ومن قبل. Donc Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agré, a dit que le messager d'Allah, dans ce hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, que le messager d'Allah a dit à l'une des femmes des Ansar, Ansar les alliés de Médine, ou là les auxiliaires, ceux qui ont accueilli les Muhajiroun quand ils ont fait leur hijra de la Mecque vers Médine. Il a dit à cette femme, qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas faire le pèlerinage avec nous? Cette femme lui a répondu, nous avions que deux chameaux sur lesquels on cherche de l'eau. Et il lui a dit que le père de son fils, ainsi que son fils, ont pris un chameau, ils sont partis avec au pèlerinage. Et ils ont laissé un chameau pour que la femme et ceux qui sont restés puissent ramener de l'eau à la maison. Comme s'il disait au messager alayhi salatu wassalam, je n'ai pas pu aller au pèlerinage. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand arrive le mois de Ramadan, va faire une umra, car une umra durant le mois de Ramadan est l'équivalent d'un pèlerinage. Car une umrah, durant le mois de Ramadan, est l'équivalent d'un pèlerinage. Hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté vers la umrah durant le mois de Ramadan. La umrah, il est demandé en dehors du mois de Ramadan. Mais il est encore plus confirmé durant le mois de Ramadan parce qu'il a une particularité et des mérites particuliers. Hein? Et surtout, durant la dernière décade du mois de Ramadan, celui qui peut, parmi les musulmans, d'y aller, ceci est, a des grands mérites. Et ça fait partie des obéissances durant ce mois de Ramadan et durant cette dernière décade du mois de Ramadan. Et louange à Allah qui a comblé les musulmans de retourner et de retrouver le chemin vers la Mecque et vers Médine. Alors que pendant 2 années, les musulmans, beaucoup de musulmans sur la planète, sinon presque tous, étaient privés de cela à cause de cette pandémie de corona. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala avant et après. كذلك من السنن المؤكدة في هذه العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف لمن استطاع الاعتكاف. Et parmi les sunan confirmées durant ce mois de Ramadan, surtout durant cette dernière décade du mois de Ramadan, c'est les retraites spirituelles pour ceux qui peuvent faire la retraite spirituelle. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. والاعتكاف جائز في أيام السنة كلها ولا يختص به رمضان وإن كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان آكد من غيرها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc la retraite spirituelle d'itikaf, qui est le fait de rester dans les mosquées pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, cette retraite spirituelle est autorisé durant tous les jours de l'année, tous les mois de l'année. Ce n'est pas une particularité pour le mois de Ramadan. Mais la retraite spirituelle, durant la dernière décade du mois de Ramadan, est encore fortement recommandée, parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam la faisait. Alayhi sallatu wassalam. Taqulu Aisha radiallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya'takifu fi kulli Ramadan, فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. عائشة رضي الله عنها وارضاها نجي دون سحاديث كل رسول صلى الله عليه وسلم faisait la retraite spirituelle durant tous les mois de Ramadan. Et quand arrive le début de la première décade du mois de Ramadan, une fois qu'il fait la prière du Fajr, il rentre dans l'endroit, la tente qui lui est réservée pour sa retraite spirituelle. صلوات ربي وسلامه عليه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان. يعني هذا في كل شهر رمضان من كل عام كان يعتكف في العشر الأواخر. وثبت أنه اعتكف في العشر الأول والعشر الأوسط من رمضان. كما ثبت أنه اعتكف في العام الذي توفي فيه 20 يوما. Et il est aussi dans la sunna, a été confirmé dans la sunna que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait la retraite spirituelle durant la première décade du mois de Ramadan et durant aussi la deuxième décade du mois de Ramadan. Et il a été confirmé aussi que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait sa retraite spirituelle pendant 20 jours lors de l'année où il est mort, alayhi sallatu wassalam. وهكذا كذلك الاعتكاف في غير رمضان فلنتأمل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فاعتكف ليلة. هذا الحديث متفق عليه. وهذه الليلة في أي ليلة من ليالي العام، فدل على مشروعية الاعتكاف في العام كله، لكن يتأكد الاعتكاف في العشر الأواخر، فهذا من السنن والطاعات المؤكدة في العشر الأواخر من رمضان بدليل حديث عائشة رضي الله عنها. وسي الاعتكاف اللي بيرمي en dehors du mois de Ramadan. Nous devons avoir ceci dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa ardah, a dit au messager d'Allah, j'avais fait un vœu, à l'époque pré-islamique, de faire une retraite, une nuit, la retraite spirituelle dans la mosquée sacrée. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors accomplis ton vœu. Et il a fait une retraite, radiyallahu anhu arda, Omar ibn al-Khattab a accompli une retraite spirituelle, dont une nuit de retraite spirituelle dans la mosquée sacrée pour s'acquitter du vœu qu'il a fait. Et cette nuit, c'est n'importe quelle nuit de l'année. Hein? Et cela prouve que l'i'tikaf, il est aussi légiféré en dehors du mois de Ramadan, mais il est fortement recommandé durant le mois de Ramadan et surtout fortement recommandé durant la dernière décade du mois de Ramadan. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu ardah, le messager d'Allah, il a dit que le messager d'Allah faisait, accomplissait la retraite spirituelle durant la dernière décade du mois de Ramadan, et le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Fahiyya ahadith katira, tadullu ala fadli l'i'tikaf, wa lazoum il masjid, wa la siyam al-ashr al-awakhir min Ramadan, لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأواخر من رمضان حتى توفاه الله صلوات ربي وسلامه عليه وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الطاعة والقربة فهو مندوب لنا. Et donc, tous ces hadiths et d'autres nous prouvent les mérites des retraites spirituelles, le fait de rester dans les mosquées pour l'adoration d'Allah et pour se rapprocher d'Allah. Et surtout la dernière décade du mois de Ramadan. Car le messager alayhi salatu wasalam faisait la retraite spirituelle durant la dernière décade du mois de Ramadan jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'a fait le messager alayhi salatu wasalam, comme obéissance, et pour se rapprocher d'Allah, ceci, il nous est demandé de le faire. Pas d'une façon obligatoire, mais d'une façon surrogatoire, fortement recommandé, comme ici pour la retraite spirituelle. Min adab al-i'tikaf, fahadi al-ibada, ibada al-i'tikaf la adab. Cette retraite spirituelle, qui est une forme d'adoration, a aussi ses comportements. La yasihu al-i'tikaf illa fi masjid al-jama'a, fala yasihu fi al-buyut. Wa in kana i'tikafu tatakhallaluhu salat al-jum'a, فإن يتيسر أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة فهو أحوط لأن من أهل العلم من يشترط ذلك. Donc la retraite spirituelle n'est permise que dans les mosquées. Les mosquées où s'accomplit les prières en commun. Il n'est pas permis dans les centres commerciaux, dans les centres islamiques, ni dans le Maktaba Salafia, etc. Mosquées. Ni dans les confréries de sectes et ainsi de suite, ni dans le fait que certains égarés se retrouvent dans des maisons où ils font soi-disant la retraite et les veillées. Ah là, non. La mosquée dans laquelle s'accomplissent les prières nocturnes, les prières en commun. Hein? Et si la retraite spirituelle de la personne, il y a au milieu du jour où il doit faire la retraite spirituelle le vendredi, certains nombres de sciences recommandent, par précaution, de faire sa retraite spirituelle dans une mosquée où s'accomplit la prière du vendredi. C'est une condition chez certains nombres de sciences. Wa yadkhulu al-insan fi mu'takafihi qabla ghurub shams laylat 21. من أراد أن يعتكف العشر الأواخر يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21 على قول جمهور أهل العلم. Et selon la parole de la plupart des hommes de science, quand quelqu'un veut faire la retraite spirituelle durant cette dernière décade, il doit rentrer dans sa retraite spirituelle avant le coucher du soleil de la 21e nuit du mois de Ramadan, qui est la première nuit de la dernière décade, celle-ci. Hein? Si quelqu'un parmi nous avait l'intention de faire l'i'tikaf, il fallait qu'il rentre à la mosquée, aujourd'hui jeudi, avant le coucher de soleil. Hein? Pour que la nuit, la première nuit de la dernière décade le trouve dans le lieu de sa retraite. Hein? Ça, c'est la parole de une grande partie des hommes de science. Hein? Et quand tu entends que ça, c'est la parole de la plupart des hommes de science, chasse qu'il y a d'autres parties qui disent le contraire, que tu peux rentrer quand tu peux, hein? Qu'il y a une divergence. Quand tu entends « وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ » ça, c'est la parole et la position de certains, de la plupart des hommes de science. Là, il faut que ça t'attire attention que le sujet est un sujet sur lequel il y a d'autres positions, donc il y a une divergence. Hein? وهذا دليله ماذا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. Et ceci pourquoi par le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit celui qui avait fait une retraite spirituelle avec moi qu'il rentre avec moi, hein, à la retraite spirituelle durant la dernière décade du mois de Ramadan. Hein, durant la dernière décade. Et ça, cette version, te fait savoir que le prophète alayhi salam avait fait sa retraite durant la deuxième décade. Et après, il est retourné à la dernière décade. C'est pour ça qu'il leur a dit, celui qui avait fait sa retraite avec moi lors de la deuxième décade du mois, qu'il retourne la faire avec moi durant la dernière décade. ويؤيد ذلك أن من مقاصد الاعتكاف التماس ليلة القدر وهي ترجى في الأوتار من العشر الأواخر وأول الأوتار ليلة 21 هذه التي نحن فيها فيدخل المعتكف قبل غروب شمس ليلة 21 لعله يدرك ليلة القدر في ليلة 21 Et ceci se confirme aussi par l'objectif de la retraite spirituelle. L'objectif de la retraite spirituelle, c'est pour rechercher la nuit du destin. Et cette nuit, il faut la rechercher dans les nuits impaires de cette dernière décade du mois de Ramadan. Et la première des nuits impaires durant cette dernière décade du mois de Ramadan, c'est celle-ci, la nuit du 21. Et donc, celui qui veut la retraite spirituelle rentre avant le coucher du soleil du 21, de la soirée du 21 du mois de Ramadan. Espérons que ce soit la nuit du destin. والاعتكاف في المسجد في العشر الأواخر له فوائد عظيمة. Et le fait de faire une retraite spirituelle dans la mosquée, surtout durant la dernière décade du mois de Ramadan, il a beaucoup d'effets bénéfiques. منها أنه عزلة مؤقتة عن أمور الحياة وشواغل الدنيا. Fait partie de ces bienfaits que c'est un isolement momentané pour toutes ces préoccupations de ce bas monde. La personne s'en décharge et vide son esprit de tout ça. ومنها أنه إقبال بالكلية على الله عز وجل. Il fait partie aussi du bienfait, c'est que la personne s'oriente, hein, complètement vers son souverain, subhanahu wa ta'ala. Il se réserve complètement à la soumission et à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. ولما كان المعتكف منقطعا لعبادة الله في بيت من بيوته منع من مباشرة النساء بجماع أو تقبيل أو نحو ذلك كما أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان الضرورية كالاغتسال إن أصابته جنابة بالاحتلام وكالبول والغائط إذا لم يوجد في المسجد حمام يقضي حاجته فيه ويغتسل فيه له أن يخرج ليأتي بطعامه إذا لم يكن هناك من يأتيه به Et donc, comme celui qui est en retraite spirituelle se réserve complètement pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la mosquée, ben il est interdit de sortir de la mosquée. Sauf pour une nécessité, pour un besoin nécessaire. Comme le fait, s'il a fait un rêve érotique et il est tombé, il a eu une janaba, s'il n'y a pas de douche dans la mosquée, il sort pour se laver et revenir. Mais il ne perd pas de temps. Et comme le fait pour faire ses besoins, hein, s'il n'y a pas de toilette et d'endroit où il peut les faire dans la mosquée, ben il peut sortir, les faire et revenir très vite. Comme le fait aussi d'aller chercher sa nourriture, s'il n'y a personne qui la ramène ou s'il n'est pas préparé dans la mosquée, ou personne ne la ramène. Tout ceci, ce sont les besoins nécessaires de la personne. عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الجزية رضي الله عنها وارضاها que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il est en retraite spirituelle dans la mosquée, il ne rentrait pas à la maison que pour une nécessité. Pourquoi? Pour ses besoins. صلى الله عليه وسلم. Donc, وفي رواية إلا لحاجة الإنسان. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Et dans une autre version, sauf pour le besoin de l'être nécessaire, qui est le fait de pouvoir vider son ventre. Il s'avissit. فيلتزم المعتكف في المسجد بعد الخروج بعدم الخروج إلا لحاجة. أما خروجه لطاعة مستحبة لا تجب عليه كعيادة مريض وشهود زناجة وزيارة أرحام ونحو ذلك فلا يفعله المعتكف لا يفعله لأن هذا ليس من الحاجات الضرورية ويمكن تأجيله. Et donc, celui qui est en retraite spirituelle dans la mosquée, hein, il ne sort pas de la mosquée, sauf pour cette nécessité. Quant au fait de sortir pour des obéissances surrogatoires qui ne sont pas du domaine de l'obligation pour lui, comme le fait de visiter un malade, ou de suivre un cortège funéraire, ou de visiter des gens de sa famille, ou autre, il ne le fait pas, celui qui est en retraite spirituelle, car ceci ne fait pas partie des nécessités, et ce sont des choses qu'il peut refaire plus tard, reporter à plus tard. وعلى المعتكف أن يدرك حكمة الاعتكاف. Il faut que celui qui est en retraite spirituelle se rencontre de l'objectif et de la sagesse et des buts de la retraite. فيقضي وقته في الصلاة وتلاوة القرآن والذكر. Et donc, il doit passer son temps dans la prière, entre la prière, la lecture du Coran, l'invocation d'Allah, le dua, hein, et surtout dans cette dernière décane, d'augmenter le dua que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a appris à notre mère Aïcha. Allahumma innaka afoun, tuhibbu l'afwa, fa'fu anni. Oh Allah, tu es le grand pardonneur et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Fa alayhi kadhalika an yastafida من وقته ولا يضيعه على شاشة الهاتف والكلام الفارغ مع أصدقائه. Et aussi, il doit profiter du temps de sa retraite. Il ne doit pas perdre son temps dans les futilités et sur les écrans de son téléphone et dans les paroles futiles et dans le fait de se raconter des histoires avec ses amis qui sont avec lui dans l'atikaf. Abadan. Et là où on y a trouvé l'île, où il y a fait kutub al-tawhid, ou al-tafsir, ou al-hadith, ou il y a fait kutub al-mufida. Et aussi, il a à demander la science de sa religion, et à lire dans les livres du monothéisme, et dans l'explication du Coran, l'explication du hadith, et autres parmi les livres bénéfiques. لا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو مع غيرهم لمصلحة. Il n'y a aucun mal qu'il y ait une discussion, hein, dans le domaine de ce qui est autorisé, hein, et pas à se raconter des histoires. Dans une discussion autorisée avec sa famille ou avec d'autres en dehors de sa famille pour un intérêt. لماذا؟ لحديث صفية رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي. الحديث في الصحيحين. إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أم المؤمنين صفية وتكلم معها، فلا مانع أن يتحدث قليلا بحديث مباح. ولذا قال أهل العلم للمعتكف إذا زاره أهله أن يصاحبهم إلى باب المسجد. Et tout ceci est prouvé comme quoi on peut parler avec sa famille par le hadith de Safiya radiallahu anha wa ardaha, qui est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Il a dit, radhiwanullahi alayha, que le prophète d'Allah était au retrait spirituel. Et je suis venu le visiter dans la soirée. Et j'ai parlé avec lui, j'ai eu une discussion avec lui, et au moment de me lever pour partir, il a dit, attends, je vais t'accompagner. Et donc, le prophète alayhi salam a eu une discussion avec la mère des croyantes, Safiya, et il a parlé avec elle. Et de là, les hommes de science disent, il n'y a aucun mal de parler un peu avec sa famille, autre dont ce qui est autorisé. Et c'est pour ça aussi que les hommes de science ont extrait de ça que quand la famille de quelqu'un qui est rentré en retraite spirituelle vient le visiter et discute avec lui, il a le droit de les accompagner jusqu'à la porte de la mosquée. Et il faut savoir que ce hadith, avant que Safiya y restée dès la dernière, mais avant il y avait presque toutes les femmes du prophète qui sont venues le voir ce soir-là. Ils ont discuté avec, ils sont partis, Safiya est restée la dernière. Hein? هذه بعض الآداب للاعتكاف، والاعتكاف كما مر معنا من السنن والطاعات في العشر الأواخر من رمضان. وللنساء كذلك أن يعتكفن إذا أمنت الفتنة عليهن ومنهن، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن، اعتكفت نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمنت الفتنة ومن النساء وعلى النساء لهن أن يعتكف. Et donc, ça, ce sont certains comportements à avoir durant la retraite spirituelle. Et l'i'tikaf, c'est une noble adoration durant ces dernières décennies du mois de Ramadan. Et il faut savoir que les femmes aussi, comme les hommes, ont le droit de faire leur retraite spirituelle quand il n'y a pas de fitna pour elles. Et quand elle, elle-même ne devient pas une fitna pour les autres, hein, ils ont le droit de faire l'i'tikaf. Quand ils sont, ils seront, il y a pas de, on n'a pas peur de la fitna pour elles, et quand il n'y a pas à avoir peur de leur fitna, de perturber les autres. Hein, parce que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam ont fait la retraite spirituelle. Kadhalika mina الطاعات والسنن في هذه العشر الأواخر، ها، إحياء ليلة القدر بالصلاة والدعاء وذكر الله تعالى، وليلة القدر تكون في العشر الأواخر، وإحياء ليلة القدر لا يكون إلا في العشر الأواخر، فهذه السنن والطاعات الخاصة بالعشر الأواخر من رمضان، إحياء ليلة القدر بالصلاة والدعاء والذكر، هذه من خصوصية رمضان لأنه ليلة القدر لا توجد إلا في رمضان. Et donc parmi les obéissances aussi, les adorations, c'est durant cette dernière décade du mois de Ramadan, c'est le fait de veiller la nuit du destin dans la prière, dans le dua, dans l'invocation d'Allah. Cela ne veut pas dire que tu vas rentrer dans la prière depuis le début de la nuit jusqu'à la fin. Là, hein, tu alternes entre la lecture du Coran, entre le dua, entre l'invocation et ainsi de suite. Hein? Et la nuit du destin, et ceci, cette adoration de veiller la nuit du destin ne peut s'accomplir que durant le mois de Ramadan. Parce que la nuit du destin n'existe que dans le mois de Ramadan. Et donc la dernière décade du mois de Ramadan, hein? Donc cette veillée de la nuit du destin, il concerne la dernière décade du mois de Ramadan. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث متفق عليه. Et donc selon Abu Hurayra رضي الله عنه وارضاه dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit celui qui accomplit les prières nocturnes durant la nuit du destin, parfois en Allah et attendant, voulant la récompense et espérant les récompenses d'Allah, ses péchés qui sont passés, ses péchés précédents seront pardonnés. فهذا الحديث دليل على فضل ليلة القدر وفضل قيامها وأن من قامها مصدقا بوعد الله تعالى محتسبا للأجر والثواب غفرت ذنوبه وهي ليلة عظيمة شرفها الله سبحانه وتعالى وجعلها خيرا من ألف شهر في بركتها وبركة العمل الصالح فيها فهي أفضل من عبادة ألف شهر وألف شهر عبارة عن 83 سنة وأربعة أشهر ما فيهن ليلة القدر ومن بركة ليلة القدر أن الله عز وجل أنزل القرآن فيها إي سحديث est une preuve sur les mérites de la nuit du destin et sur les mérites du fait d'accomplir les prières nocturnes durant cette nuit. Celui qui l'accomplit en attestant la véracité des promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala et en attendant les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés précédents seront pardonnés. C'est une noble nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré et élevé. Et il a fait que cette nuit est mieux que 1000 mois. C'est-à-dire est mieux que les adorations accomplies durant 1000 mois. Et ça, c'est une grande bénédiction de cette nuit. Et ça, c'est la bénédiction aussi, la grande bénédiction des œuvres pieuses accomplies durant cette nuit. Hein? Ils ont plus de mérite que l'adoration durant 1000 mois. Et 1000 mois, c'est 83 ans plus un quart d'année. 83 ans plus 4 mois. Donc, hein, c'est-à-dire 83 années plus 4 mois avec leur nuit, tout ça, dans lequel il n'y a pas la nuit du destin. Hein, regarde, cette noble récompense. Et ça fait partie des bénédictions de cette nuit du destin. Il fait partie des grandes bénédictions et de la meilleure des bénédictions de cette nuit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sa parole qui domine toutes les autres paroles et qui domine tous les autres livres durant cette nuit qui est le Coran. فقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر Salamun hiya hatta mutla'i al-fajr. Et dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit « Nous avons fait descendre le Coran durant la nuit imminente du décret. Qui te dira qui est la nuit du décret ? L'œuvre accomplie durant cette nuit est meilleure que la même œuvre accomplie durant 1000 mois. Durant cette nuit, les anges ainsi que Jibril ne cessent de descendre du ciel vers la terre. Hein? avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? قال ابن كثير رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم أي يكتل تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها والملائكة ينزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية سورة القدر في سورة القدر ابن كثير رحمه الله concernant ce verset durant cette nuit les anges ainsi que Jibril ne cessent de descendre du ciel vers la tête sur ordre de leur Seigneur il dit rahmatullah alayh la descente des anges augmente beaucoup d'anges descendent durant cette nuit parce que c'est une nuit bénite parce que c'est une nuit dans laquelle il y a beaucoup de bénédictions. Ainsi, les anges des chances descendent avec des bénédictions et avec la miséricorde. Et ils descendent aussi au moment de la lecture du Coran. Comme ils entourent avec leurs ailes les cercles de science, ils les entourent jusqu'au ciel de ce bas monde. Et ceci, c'est quelque chose de réel sur lequel nous devons avoir la certitude. Hein? Ils entourent ces cercles d'enseignement et aussi ils étalent leurs ailes pour le demandeur de science qui demande la science véridiquement et qui donne l'importance à la science et lui étalent leurs ailes pour ce qu'il fait comme demande de science. Ici, fin de citation des paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah, dans l'explication du Qur'an concernant Sourat al-Qadr. فَإِذَا قِيلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شَرَفِهَا وَمَقَامِهَا لأنه يقال فلان عظيم القدر فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء إلى صفته أي ليلة الشريفة ليلة القدر أي ليلة الشريفة وإما أن يكون من التقدير والتدبير ليلة القدر من التقدير والتدبير فتكون إضافتها إليه ليلة القدر من باب إضافة الظرف إلى ما يحويه أي الليلة التي يكون فيها تقدير ما يجري في تلك السنة Et donc, quand on dit « Laylatul Qadr », cela prouve les honneurs et la grande place de cette nuit. On dit de quelqu'un « Il est azimul Qadr ». Ça veut dire que c'est une grande, que c'est une personne qui a une grande estime, qui a une grande valeur, qui est une grande personnalité. Et donc, l'annexion de la nuit à sa description et à ses qualités. Donc ici, la nuit a été annexée à quoi ? À sa qualité. À sa qualité qui est une nuit majestueuse, une nuit qui a beaucoup de valeur, une nuit qui est honorée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui a beaucoup de mérite. Et aussi, ça a un double sens, c'est la nuit de la prédestination et la nuit de la gérance. Hein? Et dans ces cas-là, il est annexé le temps est annexé à ce qu'il contient. Parce que cette nuit, c'est durant laquelle va se détacher de la planche préservée tout ce qui va se passer durant cette année. Hein? Les morts qu'il va y avoir, les naissances qu'il va y avoir, etc. Hein? C'est le destin annuel qui va se détacher de la planche préservée. Cette planche préservée qui a été écrite quand? Allah subhanahu wa ta'ala a créé le crayon 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il lui a dit, écris le crayon, a dit, qu'est-ce que je vais écrire? Il a dit, écris ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est dans la planche préservée. Ils diront, la nuit du destin va se détacher de cette planche, ce qui va se passer durant l'année. Ce qui va se passer de cette nuit du destin jusqu'à la nuit du destin de l'année prochaine. Incha'Allah. Hein? Wa قال عز وجل في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset concernant cette nuit, nous l'avons fait descendre lors des nuits bénies afin d'avertir en cette nuit et détailler tout ordre décrété par Allah, c'est-à-dire pour l'année. قال قتادة رحمه الله يفرق فيها أمر السنة يفرق فيها أمر السنة وأهل العلم يقولون أن المعنيين مرادين فليلة القدر ليلة شريفة عظيمة القدر وليلة فيها يقدر ما يجري في السنة أي يفصل من اللوح المحفوظ فهذه ليلة عظيمة اختارها الله سبحانه وتعالى لبدء تنزيل القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر. Et donc, Qatada dit, concernant ce verset, durant cette nuit se détachera de la planche préservée ce qui va se passer durant toute l'année, de cette nuit du destin jusqu'à l'autre nuit du destin de l'année prochaine. Hein? Et donc, pour les hommes de science, ces deux significations sont valables pour la nuit du destin. Que c'est une nuit qui est majestueuse, qui a des grands honneurs, des grands mérites, et c'est aussi la nuit durant, c'est la nuit du destin aussi, de ce qui va se passer durant cette année. Hein? Fa, ala al-muslim, an ya'rifa qadraha. وأن يحييها إيمانا وطعما في تواب الله عز وجل وعليه أن يكتل الدعاء في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. Donc il incombe aux musulmans de connaître la valeur et les honneurs et les mérites de cette nuit et de la veiller parfois en Allah subhanahu wa ta'ala en espérant les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il fasse beaucoup ce دعاء dans les nuits où il espère, où il croit que ça c'est la nuit du destin, où il espère que ça soit la nuit du destin, dans cette dernière décade du mois de Ramadan. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان أكثر وفي العشر الأخير منه ثم في أوثاره أكثر والمستحب أن يكتل من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. انتهى كلام ابن كثير في تفسيره ايضا لهذه الصوره سوره القدر ويحتاط الانسان الا يزيد في هذا الدعاء. بعض الناس يقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو. لا, الحديث كما هو, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني, ولا يزيد كريم. الله كريم لا شك, لكن هذا الدعاء قاله المصطفى هكذا. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit qu'il est préférable aux croyants de faire beaucoup de dua à tout moment. Mais cela se confirme encore plus durant le mois de Ramadan. Et cela se confirme encore plus durant la dernière décade du mois de Ramadan. Il se confirme encore plus qu'il doit faire beaucoup de dua durant les nuits impaires de cette dernière décade du mois de Ramadan. Et Ibn Kathir a dit qu'il faut que la personne fasse beaucoup ce dua et répète beaucoup ce dua. Ô Allah, tu es indulgent et tu aimes l'indulgence, comble-moi de ton indulgence. Ô Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi et comble-moi de ton pardon. Fin de citation des paroles de Ibn Kathir dans l'explication qu'il a faite à Sourate al-Qadr. والدعاء الذي ذكره الحافظ رحمه الله هو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه كما رواه أيضا الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دونك سو حديث رابورتي بار الحافظ ابن كثير رحمه الله est un hadith qui est authentique, qui est confirmé dans notre messager عليه الصلاة والسلام, rapporté par Tirmidhi, par Nasa'i, par Ibn Majah, rapporté aussi par l'imam Ahmed dans le Musnad, de la voix d'Abdullah ibn Buraïda, que Aïcha radiyallahu anha wa ardaha a dit au prophète d'Allah: si je reconnaissais la nuit de la prédestination, que devrais-je dire pendant cette nuit? Le prophète lui a dit: dis, ô Allah, tu es le grand pardonneur, et tu aimes le pardon, pardonne-moi. Fain baghi lil muslim an yuhya hadhi layla wa hiya laylatul qadr. فهذه من السنن والطاعات المؤكدة في الأواخر من شهر رمضان. ونحن لا نعلم، فعلينا أن نحيي كل العشر الأواخر من رمضان. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في التماسها في الليالي الوتر من العشر الأواخر والليالي الوتر، وهي ليلة الواحد والعشرين كهذه الليلة، وليلة الثلاثة والعشرون، والخمس والعشرون، والسابع والعشرون، والتاسع والعشرون. فهذه الليالي قال عنها صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله: التمسوها في السبع والتسع والخمس في الأوتار من شهر رمضان. والحديث رواه مسلم. دونك Cette dernière décade, nous devons en profiter toutes les nuits et faire en sorte de l'éveiller dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. En prière, en lecture du Coran, en dua, etc. Et aussi, il a été authentifié de notre prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a dit qu'il faut chercher la nuit du destin durant les nuits impaires, dans la dernière décade du mois de Ramadan, la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27, la nuit du 29, et ainsi de suite. Et ceci, comme il est rapporté dans le hadith de l'imam Muslim, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez-la dans la 7e, la 9e ou la 5e, c'est-à-dire dans les impairs du mois de Ramadan. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait durant la dernière décade? Il serre la ceinture, il fait plus d'efforts dans cette dernière décade du mois de Ramadan que durant le mois. Donc c'est notre modèle. Face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, yarzuqna wa iyyakum al-qiyam wa-s-siyam ala al-wajh alladhi yurdih wa naj'alna wa iyyakum min 'utaqaihi fi hadha ash-shahr al-mubarak. Salu subhanahu wa ta'ala an yarfa 'an hadhihi al-umma al-waba' wal-ghala' wal-jafaf، وأن يوفق ولاة أمورها لما يحب ويرضى، وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. سأله سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يغفر لأموات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.